Le Parti socialiste et révolutionnaire du Pérou a décerné les diplômes internationaux au président Kim Il-sung, au général Kim Jong-il et au dirigeant suprême Kim Jong-un. Le service de remise des diplômes internationaux pour les grands hommes Pectosan a eu lieu le 6 courant à Lima. Y ont pris part les membres de la direction et les militants du Parti socialiste révolutionnaire du Pérou, comme le secrétaire général Victor Oliva Miguel, l'ambassadeur coréen au Pérou et ses collaborateurs. Le secrétaire général du parti péruvien les a transmis à l'ambassadeur coréen. Dans les diplômes, il est écrit que le Parti socialiste révolutionnaire du Pérou décerne les diplômes internationaux aux grands hommes Pectosan qui ont accompli les exploits immortels pour le développement du parti et la victoire de l'œuvre socialiste en République populaire démocratique de Corée et pour la réalisation de l'œuvre d'émancipation anti-impérialiste de l'humanité.